1880, jeudi 25 mars. Je donne les dernières touches au tableau, mais je ne peux plus travailler, car il n'y a plus rien à faire, ou il y a tout à refaire. C'est fini pour une chose faite à la diable. Mon tableau est de 1,70 m de haut avec le cadre. La jeune femme est assise devant une table de peluche vieux vert d'un ton très riche et appuyée sur sa main droite, le coude posé sur la table, lit dans un livre à côté duquel est posé un bouquet de violettes. Le blanc du livre, le ton de la peluche et les fleurs à côté du bras nu font bien. La femme est en déshabillé de damas bleu très clair, un fichu de mousseline avec de la vieille dentelle. La main gauche tombe naturellement sur les genoux et semble à peine retenir un coupe-papier. La chaise est en peluche bleu foncé, le fond est une draperie loutre. Le fond et la table sont très bien, la tête est de trois quarts. Les cheveux adorables, blonds dorés de Dina, sont défaits. Le crâne se dessine et les cheveux tombent dans le dos à moitié natté. À 3h30, monsieur et madame Gavinet arrivent. Nous avons pensé qu'il était impossible de laisser partir le tableau de Marie sans le voir. C'est le départ du premier enfant. Ce sont de braves gens. Lui, Gavinet, et ma compagne au palais de l'industrie en voiture, pendant que deux hommes portent la toile. Tout cela me donne chaud, froid et peur comme un enterrement. Et puis, ces grandes salles, le hall de la sculpture, sablé, les escaliers, cela fait battre le cœur. Pendant qu'on va chercher mon reçu et mon numéro, on apporte le portrait de M. Grévy, par Bonnat, mais on le place près d'un mur, et le jour empêche de voir. Il n'y a dans toute la salle que le Bonnat, le moi et un fond jaune affreux. Le Bonnat me paraît bien, et je suis tout étonné de voir le moi là. C'est mon premier début, un acte indépendant, public. On se sent seul sur une éminence entourée d'eau. Enfin, c'est fait. Mon numéro est 9091. Mademoiselle Marie, Constantin Russe. J'espère que ce sera reçu. J'envoie le numéro à Tony. Mardi 28 septembre. Une bonne journée commencée de la nuit. J'ai rêvé de lui. Il était laid et malade, mais ça ne fait rien. Je comprends maintenant qu'on n'aime pas pour la beauté. Nous causions comme deux amis, comme avant, comme nous causerions encore si nous nous retrouvions. Je ne demandais qu'une chose, que notre amitié restât dans les limites permises pour durer. C'était aussi dans mon rêve, dans la réalité. Enfin, je n'ai jamais été si heureuse que cette nuit. Saint-Amand arrive à déjeuner, avalanche de compliments. Je suis ceci et cela, et l'on formera cet hiver un cercle d'élite autour de moi. Il m'amènera les célébrités, tous les quelqu'un, etc., etc. Je n'avais pas même besoin de cela. Je me suis éveillé en riant. Dumas-fils dit que les jeunes filles n'aiment pas, mais préfèrent, car elles ne savent pas ce que c'est que l'amour. Aussi, où diable place-t-il l'amour, monsieur Dumas? Et d'abord, on sait toujours à peu près assez pour savoir. Et puis, ce que monsieur Dumas appelle l'amour n'est que la conséquence et le complément naturel de l'amour, et pas du tout une chose à part, isolée et complète, du moins pour les gens un peu propres. Conséquence inévitable souvent, et sans laquelle il n'y a pas d'amour possible, dit le même Dumas, et il appelle cela aussi la dernière expression de l'amour. Ça, je veux bien. Me dire qu'une fille ne peut pas aimer, c'est fou. Moi, je n'en sais rien, et pourtant je sens qu'il y a là quelque chose de repoussant, avec un être désagréable, et qu'il y a là la dernière expression de l'amour quand on aime. Maintenant, il y a aussi les idées folles qui vous passent quelquefois, mais on sait bien ce que c'est, quand l'homme n'est pas repoussant. Mais ça n'a rien à faire avec l'amour. Moi, ce qui m'horripilerait le plus, ce serait d'embrasser sur les lèvres un indifférent. Je crois que je ne le pourrais jamais. Mais quand on aime... Ah, c'est tellement différent. Ainsi, cette nuit, dans mon rêve, j'aimais. Cela m'est arrivé aussi étant éveillé. Eh bien, c'est si pur, si tendre, si beau. L'amour est un sentiment grandiose et pur, tout y est chaste. L'amour de M. Dumas n'est pas l'objectif, mais n'est qu'une conséquence de ce qu'on éprouve, qu'un moyen de mieux, de plus aimer ce qu'on aime. Samedi 9 octobre. Je n'ai pas travaillé cette semaine et l'inaction me rend stupide. J'ai relu mon voyage en Russie et cela m'a beaucoup intéressé. En Russie, j'avais lu en partie Mademoiselle de Maupin. Et comme cela ne m'avait pas plu, je viens de la relire. Car enfin, Théophile Gautier est reconnu pour un énorme talent. Et Mademoiselle de Maupin pour un chef-d'œuvre, surtout la préface. Je l'ai donc relu aujourd'hui. La préface est très bien, c'est vrai, mais le livre... Malgré toutes ces nudités, le livre n'est pas amusant. Certaines pages en sont simplement ennuyeuses. J'entends des gens qui crient. Et la langue, et le style, etc. Et par Dieu, oui, c'est un bon français. C'est un homme fort dans son métier. Mais ce n'est pas un talent sympathique. Plus tard, peut-être, je comprendrai pourquoi c'est un chef-d'œuvre. Je veux bien même comprendre à présent que c'est très bien. Mais c'est antipathique et cela m'ennuie. C'est comme George Sand, encore un écrivain avec lequel je ne sympathise pas. Et George Sand a en moins de Gautier cette vigueur, cette crânerie qui vous donne du respect, sinon de l'amitié pour lui. George Sand, enfin c'est très bien. J'aime mieux Daudet dans les modernes. Il écrit des romans, mais semés d'observations justes, de choses vraies, senties. On vit là-dedans. Quant à Zola, nous sommes en froid. Il s'est mis à attaquer, dont le Figaro, Rank et d'autres individualités républicaines, avec un acharnement de mauvais goût qui ne sied ni à son grand talent, ni à sa grande situation littéraire. Mais que voit-on dans George Sand? Un roman joliment écrit? Oui, après. Eh bien, ces romans m'ennuient. Tandis que Balzac, les deux Dumas, Zola, Daudet, Musset, ne m'ennuient jamais. Victor Hugo, dans sa prose la plus romantiquement folle, dans Anne d'Island, n'est jamais fatigant. On sent le génie, mais George Sand. Comment peut-on lire 300 pages remplies d'effets, des gestes de Valentine et de Bénédicte, accompagnés d'un oncle, d'un jardinier, que sais-je? Toujours le nivellement social par l'amour, ce qui est ignoble. Qu'on établisse l'égalité, c'est admirable, mais qu'elle ne soit pas due à des caprices de sexe. La comtesse amoureuse de son valet, et des dissertations là-dessus. Voilà le talent de George Sand. Évidemment, ce sont de très jolis romans, de jolies descriptions de campagne. Mais je voudrais quelque chose de plus. Je ne sais trop m'expliquer. Voilà des choses qu'il ne faudrait pas croire. Je crois toujours m'adresser à des êtres qui me sont supérieurs et devant qui je crains de dire avec prétention, tandis qu'en général, il n'y a que des médiocres, des inférieurs, et ceux-là ne savent jamais gré d'une modestie ou d'un aveu de faiblesse. Eh bien, Valentine, je la lis en ce moment. Et cela m'agace, parce que le livre m'intéresse assez pour que je le finisse et en même temps, je sens qu'il ne me reste rien, que peut-être une vague impression désagréable. Il me semble que cette lecture me rabaisse. Je me révolte et je continue, car il faut que ce soit aussi assommant que le dernier amour, du même auteur, pour que je n'aille pas jusqu'au bout. Pourtant, Valentine est ce que j'ai lu de mieux de George Sand. Le marquis de Villemer est bien aussi. Je crois qu'il n'y a pas de palefrenier, amant de la comtesse.